Chapitre 24. La loge. Nul obstacle n'empêchait plus Jude Lecker de franchir le seuil de la loge. Fleur déjeunait, en effet, obéissant à la voix de son père, s'était mise à l'écart. Néanmoins, le vieil écuyer ne se pressait point de profiter de la permission donnée. Il demeurait immobile, à la même place, craignant un piège et se demandant quel pouvait être cet homme qui affectait de prononcer le nom de Trême avec respect. La défiance, au reste, était permise en ce temps et en ce lieu. L'intérieur de la loge avait un aspect peu attrayant et fait, au contraire, pour inspirer les soupçons. La lumière n'y pénétrait que par la basse ouverture de la porte, de telle sorte que du dehors, tout y paraissait plongé dans une obscurité profonde. Jude était arrivé de la veille. 20 années de captivité avaient dû changer son visage, et pourtant il y avait là, dans la nuit de cette sombre loge, un homme qui savait son nom et qui lui disait « Je t'attendais ». Était-ce un ami ou un ennemi, et cette cabane inhospitalière, qui s'ouvrait pour lui seul, ne cachait-elle pas une embûche ? Jude était brave jusqu'à la témérité, mais il se devait à la volonté dernière de son maître. Il avait frayeur de mourir avant d'avoir obéi. Néanmoins, son hésitation ne fut point de longue durée. Un second regard jeté sur les traits angéliques de Fleur Déjeuner chassa de son esprit toute noire pensée. Où habitait cet enfant, il ne pouvait y avoir trahison. Jude entra dans la cabane. Ses yeux, habitués au grand jour, ne distinguaient rien d'abord. « Par ici !» dit la voix. Le bon écuyer tourna aussitôt ses regards de ce côté et aperçut dans l'ombre épaisse qui remplissait le fond de la loge 2 points ronds et lumineux comme les yeux d'un chat sauvage. Il avança résolument. Une main saisit la sienne et l'attira vers un banc de bois. Dans cette position, Jude se trouva assis, tournant le flanc aux vifs rayons de jour qui pénétraient par l'ouverture. Sa vue, qui s'accoutumait graduellement aux ténèbres, lui permit de distinguer la forme de la cabane et de son ameublement. C'était une grande chambre carrée, sans fenêtres, ou dont les fenêtres étaient hermétiquement bouchées. Le plafond était si bas que l'écuyer s'étonna de ne l'avoir point touché du front pendant qu'il était debout. Dans l'un des angles opposés à la porte, une planche inclinée, recouverte de paille, servait sans doute de lit à l'un des habitants de cette pauvre retraite. Le reste de l'ameublement consistait en 2 bancs et quelques escabelles qui entouraient une table de bois simplement dégrossie. Rien dans tout cela qui peut servir au sommeil d'une jeune fille. Marie devait avoir une autre retraite. Entre Jude et le jour, il y avait la silhouette entièrement noire d'un homme assis comme lui sur un banc. Les 2 points ronds et lumineux que Jude avait aperçus dans l'obscurité se trouvaient maintenant entre lui et le jour. C'étaient les yeux d'un homme. « C'est vous qui êtes le charbonnier Rouen ?» lui demanda Jude. « Je suis en effet celui qu'on nomme ainsi, mon compagnon. Et je te répète, sois le bienvenu dans ma maison, je t'attendais. Vous me connaissez donc ? Peut-être bien mon homme. Moi, je ne puis dire si je vous connais, car je ne vois point votre visage. » Pélot se leva en silence, prit la main de Jude et le conduisit au seuil. Là, il exposa en plein sa face noircie aux rayons du jour. « Je ne vous connais pas, » dit Jude, après l'avoir attentivement examiné. Pélot Rouen regagna sa place première et Jude le suivit. « Tu as raison, » dit lentement le charbonnier. « Tu ne me connais pas. Cette loge a été bâtie longtemps après le départ de Nicolas Trême. Mais ce n'est pas pour me parler de toi ou de moi que tu as quitté le château. C'est vrai. » « Je suis venu vers vous. »« Tu as bien fait, » interrompit Pélot Rouen. « Et tu fais toujours bien, Jude Lecker, parce que ton cœur est fidèle et loyal. Quant au motif de ta visite, point n'est besoin de me l'apprendre, je le sais. »« Vous le savez ?» répéta Jude avec surprise. « Je le sais. Tu viens me demander des nouvelles d'un malheureux idiot qu'on appelait Jean Blanc. »« Serait-il mort ?» s'écria Jude. « Non. » « Et tu veux savoir de ses nouvelles, afin d'apprendre de lui le sort de l'héritier de Trême. »« C'est vrai ? C'est encore vrai ?» murmura Jude, dont l'honnête mais lourde nature était violemment secouée par le mystère de cette scène. « Vous qui connaissez l'unique but de ma vie, qui êtes-vous ? Au nom de Dieu, répondez, qui êtes-vous ? » « Je suis le charbonnier Rouen, » répondit Pélot avec simplicité. Un pauvre homme, dont la vie obscure fut cruellement éprouvée, un malheureux qui a quelques bienfaits à payer et bien des outrages à venger. Et savez-vous quelque chose du petit monsieur Georges ? La voix de Pello se fit profondément triste pendant qu'il répondait « Je ne sais rien, rien que ce que vous savez vous-même. Plutôt ciel que le château de la Tremlay eût gardé son dépôt aussi fidèlement que le chêne de la fosse aux loups. » Ces derniers mots firent sauter Jude sur son banc. « Le chêne de la fosse aux loups » balbutia-t-il. « Le creux du chêne de la fosse aux loups » répéta Pello Rouen. Si l'obscurité eût été moins épaisse, on eût pu voir Jude changer deux ou trois fois de couleur dans l'espace d'une seconde. Il prit entre ses doigts de bronze le bras du charbonnier et le serra convulsivement. « Qui que tu sois, tu en sais trop long » dit-il d'une voix basse et menaçante. Le bras de Rouen était bien frêle pour appartenir à un homme de sa taille. La force de Jude était si évidemment supérieure qu'il semblait que le bon écuyer ne dût avoir qu'un geste à faire pour renverser son hôte sous ses pieds. Néanmoins, celui-ci garda une contenance tranquille et se renferma dans le silence. « Qui t'a dit cela ?» poursuivit Jude, dont la voix tremblait. « Sur mon salut, il faut que tu donnes ton âme à Dieu, car tu as surpris le secret de Trêmle, et c'est moi qui suis le gardien de ce secret. » Et Jude, sans lâcher le bras de Rouen, porta vivement la main à son épée. Mais, pendant que le bon écuyer dégainait, le maigre bras de Pello Rouen tourna entre les doigts robustes. Les muscles de ce bras se tendirent et devinrent d'acier. Jude voulut serrer plus fort et ses doigts choquèrent la paume de sa main qui était vide. D'un bond, Pello avait franchi toute la largeur de la loge. Jude n'apercevait plus que le rouge éclat de ses yeux qui brillait de loin dans l'ombre. Il se précipita de ce côté. Le bruit d'un pistolet qu'on armait ne l'arrêta point, mais dans sa course, il heurta du pied contre une escabelle renversée et tomba lourdement sur le sol. À l'instant même, le genou de Pello Rouen s'appuya sur sa poitrine. « Si tu te relèves, tu me tueras, mon homme, » dit le charbonnier avec calme. « C'est pourquoi, si tu essaies de te relever, je te tue. » Jude sentit sur sa tempe la froide bouche du pistolet. « La vieillesse ne t'a point changé, » reprit Pello. « Brave cœur et cervelle bornée, que veux-tu que je fasse de ton secret? Et si les 100 000 livres m'eussent tenté, seraient-elles encore au creux du chêne ?»« C'est vrai, » dit pour la troisième fois le pauvre Jude, « mais je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être ne le sauras-tu jamais, que t'importe. Je t'ai laissé voir que je suis l'ami de Trêmle, et Trêmle, vivant ou mort, a-t-il trop d'amis pour que deux d'entre eux ne daignent point s'expliquer avant de s'entregorger lorsque la Providence les rassemble ?»« Je suis à votre merci, » murmura Jude. « Puisse Dieu permettre que vous soyez en effet un ami de Trêmle. » Pello Rouen ôta son genou et Jude se releva. « Ramasse ton épée, » dit le charbonnier. « J'ai confiance en toi, bien que tu te sois fait le valet d'un Français. Un brave jeune homme, un ennemi de la Bretagne. Mais il ne s'agit point de lui. Revenons à Trêmle. » Jude remit son épée dans le fourreau et tous deux s'assirent de nouveau sans défiance l'un près de l'autre. « Vous avez été généreux, » dit Jude, « car je vous avais rudement attaqué. Aussi, je ne vous demanderai point qui vous a rendu maître du secret de notre monsieur. Entre vos mains, il est en sûreté. Je me fie à vous, comme vous à moi. Touchez-la, s'il vous plaît. » « De grand cœur, mon homme, Jean Blanc m'a souvent parlé de vous. Vous étiez miséricordieux et bon pour le pauvre insensé. Merci pour lui qui s'en souvient, ami Jude, et qui vous rendra peut-être quelque jour le bien que vous lui avez fait. Qu'il le rende à Trêmle, le pauvre garçon. » Il a fait ce qu'il a pu pour Trêmle, dit Pello Rouen, avec tristesse et solennité. Sans doute, mais ce qu'il pouvait était par malheur peu de chose. Autrefois, il en était ainsi, parce que Jean Blanc ne savait rendre que le bien pour le bien. Depuis lors, il a appris à rendre le mal pour le mal, et il est devenu fort. N'est-il donc plus fou ? Demanda Jude. Dieu nous envoie parfois des épreuves si violentes que les gens saints en perdent de l'esprit, répondit Pello Rouen. Par contre, ces secousses rendent parfois aussi la raison aux insensés. Jean Blanc n'est plus fou. Et a-t-il conservé la mémoire des faits depuis longtemps passé? Il se souvient de tout. Il faut que je le voie, s'écria Jude. Un tremblement agita le corps de Pello Rouen. Voir Jean Blanc, dit-il d'une voix étrange. Il y a bien longtemps que personne n'a pu se vanter de l'avoir rencontré face à face. Croyez-moi, contentez-vous de m'interroger moi-même, et ne cherchez pas à rejoindre Jean Blanc. Mais il me dirait peut-être rien que je ne puisse vous apprendre. Vous n'êtes pas dans sa peau, que diable ! S'écria Jude, que l'impatience reprenait. « Il m'a tant de fois ouvert son cœur et ses souvenirs, » répondit le charbonnier avec douceur. « Écoutez, voulez-vous que je vous raconte le lâche assassinat de l'étang de la Tremblay ? J'en sais les moindres circonstances. Il me semble voir l'infâme Hervé de Vaunois. »« Comptez, comptez !» interrompit Jude avidement. « Je ne hais pas encore assez cet homme. » Pélot Rouen raconta, dans le plus minutieux détail, le meurtre infâme dont Vaunois s'était rendu coupable sur la personne d'un enfant de 5 ans, petit-fils de son bienfaiteur. Il parla longtemps, et Jude l'écouta constamment avec une religieuse attention. La mort de Loup, le chien fidèle, arracha une larme au vieil écuyer, et l'arrivée de l'albinos, sautant au milieu de l'étang pour sauver le petit Georges, lui fit pousser un cri d'enthousiasme. « Après, après !» dit-il en retenant son souffle. « Que Dieu récompense le pauvre fou ! Après !» Pélot reprit son récit. En arrivant à l'accès de délire qui saisit Jean Blanc dans la forêt, sa voix faiblit et chevrota comme la voix d'un homme qui se retient de pleurer. « Jean abandonna l'enfant, » dit-il. Quand il revint, il n'y avait plus sur le fossé que la veste de peau de mouton qui était en ce temps-là son vêtement ordinaire. Il tomba sur ses genoux. Il pria Dieu. « Dieu et Notre-Dame, il pleura. » Jude haussa les épaules avec colère. « Il pleura des larmes de sang, » reprit Pélot Rouen, dont un sanglot souleva la poitrine, « et quand il parle de cette affreuse soirée, il pleure encore, car le souvenir de Trémble vit au fond de son cœur. « Mais pourquoi ne pas courir, chercher ?» Son esprit en ce temps était bien faible, et ses crises le laissaient briser. Il resta jusqu'au lendemain matin affaissé sur le sol, sans force et sans pensée. Le lendemain, il courut, il chercha, mais il était trop tard, et il ne trouva point. Et nulle trace depuis lors, aucun indice ? Rien. Pélot Rouen prononça ce dernier mot d'un ton découragé. Jude, qui jusqu'alors avait dévoré chacune de ses paroles, laissa retomber ses bras le long de son corps et courba la tête. Rien, répéta-t-il. Mais alors, il n'y a donc plus d'espoir ? « Il y a bien longtemps que Jean Blanc a perdu tout espoir, » répondit le charbonnier. « Mais Dieu est bon, et la race de Trémble ne produisit jamais que des justes et des chrétiens. Peut-être le petit Georges a-t-il été recueilli. En ce cas, la Providence aidant... » Pélot Rouen hésita. « Eh bien, » fit Jude, « qu'alliez-vous dire ? » ?»« J'allais dire qu'il ne serait pas impossible de reconnaître l'enfant. »« Comment cela ?» demanda vivement Jude Lécoeur. Jean Blanc avait une de ses médailles de cuivre qu'on frappait autrefois à Vitré en l'honneur de Notre-Dame de Miforêt. C'était le seul héritage que lui eût laissé sa mère. Quand sa folie le prit, dans cette horrible soirée, il la sentit venir et, dévot à la Sainte Mère de Dieu, il passa la médaille au cou de l'enfant, qu'il mit ainsi sous la garde de Notre-Dame. « Mais il y a tant de ces médailles !» Celle de Jean Blanc avait sur le revers une croix gravée au couteau. Et Mathieu Blanc, son père, en possédait seule une semblable, qui est maintenant au cou de Marie. « Cette belle enfant que je viens de voir ?»« La fille de Jean Blanc, l'albinos. » Marie, qui continuait sa corbeille de chèvrefeuille au dehors, entendit prononcer son nom et montra sa blonde tête à la porte. « La fille de ?» commença Jude. « Silence !» interrompit le charbonnier. « Elle se croit ma fille. Approche, Marie. » Fleur de Genêt obéit aussitôt, et Pélot Rouen, prenant la médaille qui pendait à son cou, la mit entre les mains du vieil écuyer. Celui-ci la tourna et retourna dans tous les sens. « Puisse Dieu me faire rencontrer l'appareil, » murmura-t-il. « Je la reconnaîtrai entre mille, mais c'est un pauvre et bien faible indice. » Marie s'éloigna sur un signe du charbonnier, et bientôt on entendit au dehors la suave mélodie du chant d'Arthur. « Elle chante en effet la chanson de Jean Blanc, » dit Jude. « Mais je ne vous ai pas tout dit, mon compagnon, » dit le charbonnier en changeant de ton subitement. « Il est encore une chance de retrouver l'héritier de Trémble. Cette chance est précaire, il est vrai. Cependant, elle peut amener un résultat avec l'aide de Jean Blanc. »« Jean Blanc ?» murmura Jude d'un air de doute. « Vous me parlez toujours de Jean Blanc. Que peut le pauvre diable lorsque des hommes ne peuvent pas ?»« Vous ne savez pas ce que c'est que Jean Blanc, » dit le charbonnier avec une légère emphase dans la voix. « Je vais vous dire où est sa force et ce qu'il peut pour le fils de Trémble. » Fin de la section 14.